Première question. Est-ce que l'offre de Cisco pour M. Massé est encore sur la table, le 350 000 $? Écoutez, je ne peux divulguer les informations de l'entente. C'est une entente confidentielle entre la famille Massé et Cisco. Okay. Sauf que je peux vous dire que plusieurs offres ont été faites à la famille Massé et malheureusement, nous n'avons aucun retour de leur part. C'est vraiment donc, nous essayons toujours de négocier avec eux. C'est vraiment le seul, Mme Thibault, qui est encore là, qui n'a pas accepté l'offre de Cisco? Effectivement, écoutez, sur les 205 résidences qu'il y avait à relocaliser, nous avons conclu 204 ententes. Et il se passe quoi là à partir de maintenant, là? Bien, écoutez, au mois de février dernier, après quand même plusieurs mois de négociations, Cisco a quand même entamé des procédures administratives pour une expropriation. Donc, le dossier présentement est à être analysé par le ministère des Ressources naturelles. Donc, nous attendons leur décision là-dessus. Donc, c'est un décret que l'on doit obtenir. Mais entre-temps, nous, on essaie toujours de venir une entente avec la famille Massé. Maintenant, il faut dire que M. Ken Massé est locataire de sa maison. La maison appartient à sa mère. Donc, c'est okay. avec sa mère que nous négocions. Est-ce que, en fait, une fois que la loi des mines, si le décret est obtenu, comment ça fonctionne à partir de là? Mais aussitôt qu'il y a un décret, à ce moment-là, la famille Massé va recevoir une lettre leur demandant de quitter les lieux. Normalement, ils reçoivent un montant d'argent. Donc, c'est un calcul là, qui est fait par le gouvernement pour avoir un montant d'argent. Par la suite, il y a ce que l'on appelle un tribunal administratif où l'on en vient à une entente finale avec la famille Massé. Mme Thibault, vous êtes 204 en 205, ça fait une bonne moyenne au bâton. Vous devez être déçu de ne pas avoir complété la boucle. Effectivement, remarquez pour Cisco, avec tous les efforts qui ont été faits pour essayer d'en venir à une entente, on est vraiment déçu. 204 sur 205, je pense que c'est une excellente note pour Cisco, oui. Mais on ne lâche pas, puis on essaie toujours d'être en contact avec eux pour en arriver à une entente qui va satisfaire la famille Massé. Mme Thibault, un des points centraux du discours de M. Massé, en lisant dans le Journal de Montréal, il disait qu'il veut se tenir devant une grosse compagnie minière qui arrive à Malartic, qui prend tout ce que les résidents ont et qui part avec. À venir jusqu'à présent, Cisco a quand même investi solidement dans la municipalité de Malartic, là. Effectivement, juste la relocalisation du quartier qui était au coût de 130 millions, je pense que les résidents bénéficient d'un beau nouveau quartier où ils sont très heureux. Moi, je suis fréquemment dans le nouveau quartier et les résidents ne cessent de me dire comment ils aiment leur nouvel environnement comparativement à ce qu'ils avaient avant. Donc là-dessus, ils sont très, très contents. Quand on parle aussi des 6 nouvelles institutions, qui sont toutes selon les nouvelles normes du gouvernement. Moi, les gens me le disent souvent quand ils viennent à Malartic, ils n'en reviennent pas de ces très, très belles institutions-là. En plus, on a le fonds Essor Malartic au Cisco où est-ce qu'on contribue énormément à aider des organismes et les résidents de Malartic pour une meilleure qualité de vie. Donc, on fait beaucoup de choses pour la municipalité pour redonner de ce que l'on a. En plus, bien, on a l'embauche de gens pour au Cisco. On est rendu à 200 personnes présentement qui travaillent pour Cisco et on travaille très fort à ce que ce soit les résidents de Malartic qui obtiennent ces emplois-là. Ouais. Et à date, on a un beau succès là-dessus. Mme Thibault, Cisco à Malartic, on suit le dossier depuis le début. J'étais là au premier point de presse avec vous. Il y avait beaucoup de sceptiques et de questions et de grognements à l'époque. Est-ce qu'il en reste beaucoup des gens comme M. Massé? Non, c'est vraiment une très, très petite minorité dans le cas des gens comme M. Massé. Écoutez, je pense que quand Cisco est arrivé à Malartic, c'est certain qu'on avait nos preuves à faire. Nous étions une très petite entreprise à ce moment-là. Là, je pense qu'après 3 ans, nos preuves sont faites. Ce qu'on montrait aux gens, effectivement, on l'a concrétisé. Donc maintenant, les gens ont hâte que Cisco soit en production à Malartic. Madame Massé, présentement, Madame Thibault, pour terminer le dossier, Massé, Ken Massé, présentement, n'habite pas dans sa maison, là. Effectivement, nous, selon nos informations, la famille Massé ne demeure pas dans cette résidence-là sur la rue des Pionniers depuis le début de l'année. Malgré que nous, on s'assure que la sécurité est bien en place, qu'il a accès à sa résidence, qu'il a de l'eau et de l'électricité. Mais la famille Massé, en tant que telle, ne demeure pas dans cette maison-là. Dernière question, Mme Thibault, sur un autre dossier. Cisco est propriétaire de plusieurs appartements où des gens ont été relocalisés. Il y a une cinquantaine de locataires qui disent que l'augmentation de loyer est un peu salée. Vous situez où là-dessus? Écoutez, quand on a déménagé le quartier, il a fallu construire 6 nouveaux blocs appartements parce qu'il y a des blocs appartements dans le quartier sud qui, à cause de leur structure, n'étaient pas déménageables. Donc, c'était un bloc, 6 blocs neufs qui ont été construits, que l'on a remis aux immeubles Roquedor. Et eux, pour le coût de tout ça, devaient mettre les appartements à 625 $ par mois. Donc, Osico s'était engagé pour une période de 3 ans à payer la différence entre ce qu'il payait dans le quartier sud et maintenant ce qu'il paie. Maintenant, on s'est rencontrés, les gens des immeubles Roquedor de la ville de Malartic, pour essayer de trouver une solution. Écoutez, nous, c'est certain qu'on veut aider les Malarticois. Il y en a que c'est pas évident, la hausse de loyer. Donc, je pense qu'ensemble, avec les locataires, là, on va essayer de trouver une solution avant que la période de 3 ans arrive.